Chapitre 19e. Ce fut à Nuremberg qu'Andlau reçut la lettre de Faustine. Il la lut à plusieurs reprises sans pouvoir la comprendre, mais à la fin, ces mots « Nous ne nous reverrons plus, Anastase » le frappèrent, et la vérité lui apparut. Il demanda des chevaux et se jeta dans une chaise de poste. « Vers la Bohême !» avait-il dit, et pendant toute la route, les seules paroles qui sortirent de ses lèvres furent « Plus vite, plus vite !» Il traversa de la sorte Prague et Breslau, sans s'inquiéter du nom des villes où on le faisait descendre et de celles qui fuyaient derrière lui. Recueilli et comme absorbé dans sa douleur, il ne voyait rien, il ne remarquait rien. Aller, aller toujours, être emporté par un mouvement rapide et continuel, voilà tout ce qu'il voulait. Dans cette course furieuse à travers l'Allemagne et l'Autriche, il arriva à une cité morne et désolée, trop grande pour le nombre actuel de ses habitants et dont les rues silencieuses offraient presque partout l'image de la solitude. C'était Cracovie. L'aspect de cette ville, si bien en harmonie avec ses pensées, lui plut. Il visita l'antique cathédrale et les tombes des anciens rois. Accoudé contre un de ces monuments funéraires, la sainteté du lieu, la majesté de l'édifice et les souvenirs qui se présentaient à son esprit le pénétrèrent d'une plus douce tristesse. Il se rappela ces cathédrales de Belgique et d'Allemagne que Faustine aimait tant à visiter. Son cœur s'ouvrit, la douleur qui l'étouffait éclata, et ses larmes, les premières qu'il eut encore versées, jaillirent de ses yeux. En le voyant pleurer et sangloter, un vieux Polonais qui lui servait de guide l'interrogea dans sa langue natale et lui demanda la cause de son chagrin. Mais Andlau ne comprenait pas cette langue. Il secoua la tête et leva les yeux au ciel. Alors le guide lui saisit la main, la serra avec effusion et d'une voix profondément émue, il murmura en latin « Finis, Poloniae !» Chacun d'eux avait au cœur une plaie que le temps ne pouvait pas guérir, un désespoir incurable. Andlau écrivit enfin de Cracovie à Faustine. « Je ne vous adresserai pas un seul mot de reproche ou de plainte, pas même une question. Soyez heureuse si vous le pouvez. Oubliez-moi, car de cet oubli dépend votre bonheur. Effacez donc tout le passé de votre esprit. Cela vous sera plus facile à vous qu'à moi. Adieu. » Après cette lettre écrite, il s'arrêta à Cracovie. Loin de Faustine, peu lui importait le lieu. Avec elle, le monde entier et la nature avec leurs trésors avaient été à lui. Par l'éloquence de sa parole, par son seul regard quelquefois, la magicienne avait pu rendre pour lui la vie aux ruines même. Désormais, il se sentait comme le captif d'une vaste prison. De temps en temps, cependant, le désir de savoir au moins quelle était la destinée de Faustine le réveillait de son anéantissement. Il relisait ses lettres. Le nom de Mengen s'y retrouvait plusieurs fois, mais dans des termes qui ne pouvaient encore faire deviner toute l'influence que Mario devait exercer sur elle. Enfin, dans le vague de ses soupçons et de ses pressentiments, Andlau eut le courage d'analyser le caractère de Faustine. « Non, s'écria-t-il, elle ne peut être heureuse. La spontanéité de ses sentiments a toujours rendu inutile la force de sa raison. Elle sera toujours un enfant par le cœur. Je dois pleurer sur elle comme sur un enfant qui n'atteindra jamais l'âge mûr et qui passera d'une espérance à une autre sans atteindre le but. » Andlau se sentait si malheureux qu'il ne pouvait croire au bonheur de celle qui avait détruit le sien. Cependant, après avoir reçu la lettre d'Andlau, Faustine recouvra un peu la tranquillité d'esprit qu'elle avait perdue jusque-là. Elle se flattait de l'idée qu'il serait plus résigné et cherchait à se réconcilier avec sa propre conscience en se disant qu'elle avait du moins agi loyalement avec son protecteur. La vérité est que les lettres de Mario vinrent au secours de celles d'Andlau et que Faustine vécut de l'espoir de le voir bientôt retourner avec le consentement de sa famille. Peu à peu, elle revit sa société et Clément, surtout, plus facilement pardonné par celle qui se sentait coupable. Faustine, assise dans son atelier de peinture, s'occupait avec ardeur de donner la dernière touche à un grand tableau qui représentait un jeune homme debout contre une fenêtre, derrière laquelle une jeune fille était assise. Faustine avait conçu l'idée de ce sujet d'automne précédent à Mayence. Elle se proposait de l'offrir à Mario lors de son retour et de lui causer une surprise agréable. En ce moment, Clément Baldorf ouvrit la porte de l'atelier et, s'approchant du chevalet de Faustine, il la regarda quelque temps travailler en silence. « J'aimerais assez ce tableau, dit-il enfin. Si le jeune homme qui se tient debout contre la fenêtre ne ressemblait pas au comte de Mengen. Faustine sourit. Le comte de Mengen a de ces traits caractérisés que l'œil d'un peintre saisit tout d'abord et reproduit avec facilité. C'est possible, je ne le nie pas, mais je persiste à croire que cette tête-là ne s'harmonise point avec un édifice gothique. Elle a quelque chose de tartare, ne trouvez-vous pas ? Moi ? S'écria Faustine, choquée de l'observation. Pas du tout, de tartare ? Où donc avez-vous les yeux, monsieur Clément ? J'y vois très bien, répliqua Clément, en affectant de contempler le tableau avec plus d'attention et en cherchant à prolonger la contrariété qu'il causait. Je maintiens ma remarque. Je suis certain que tout le monde trouvera, comme moi, que... Monsieur Clément, interrompit Faustine, qui avait haussé les épaules et dont l'impatience était visible. Est-ce que vous n'avez pas dessein de retourner bientôt à Oberwaldorf ? À Oberwaldorf ? Répondit Clément, piqué à son tour. Êtes-vous donc à ce point fatigué de ma présence ? Quelquefois, je l'avoue, quand vos accès de déraison vous reprennent. Ah, comtesse, vous avez visité Prague, je crois. Avez-vous vu le Wieserbab sur la Moldau, où l'on montre les bains de la reine Libussa ? Oui, sans doute, mais je vous parle d'Oberwaldorf et non de Prague. Et savez-vous l'histoire de cette salle de bain ? On me l'a dite, mais où tend ce propos ? C'est que la reine Libussa, fière de son indifférence, ne voulait pas souffrir qu'un homme, quel qu'il fût, exerçât sur elle le moindre empire. Cependant, elle avait toutes les faiblesses de son sexe. Mais pour les dissimuler et rester libre, elle faisait précipiter dans la Moldau, par les fenêtres de cette salle, tous les amants qu'elle honorait de son sourire. Eh bien, à part cette sauvage barbarie, vous êtes une sorte de reine Libussa. Et si vous rencontrez sur votre chemin un malheureux qui se prend d'amour pour vous et qui, pour vous, serait prêt à donner son sang, sa vie, vous le faites jeter dans la Moldau. Clément avait frappé plus juste et plus fort qu'il ne le croyait en parlant ainsi. Faustine pensa à Andlau et sentit comme le froid d'une lame d'acier lui traversant le sein. Elle tressaillit et garda le silence. Mais, continua Clément en élevant la voix et avec l'accent d'une colère sourde qui, longtemps comprimée, menaçait d'éclater, je n'entends point souffrir qu'on me précipite dans la Moldau ou qu'on me renvoie à Oberwaldorf. Non, par le ciel, et je le prouverai. La comtesse le regarda et fut frappée de l'altération de ses traits. « Que voulez-vous dire par votre reine Libussa ? » lui demanda-t-elle. « Ai-je jamais été une reine Libussa pour vous ? » ?»« Et loin d'encourager votre folle passion, n'ai-je pas toujours cherché à vous en guérir ?» Clément sourit d'un sourire ironique et hocha la tête. « Enfin, continua Faustine, avez-vous reçu de moi une promesse quelconque ?»« D'autres en ont reçu peut-être, » répondit Clément d'un air sombre. « Quant à moi, eh bien, achevez !» Vous m'avez admis dans votre intimité. Or, de la part d'une femme comme vous, une telle faveur est un gage, une promesse. Vous savez trop bien qu'on ne peut respirer le même air que vous, vivre auprès de vous sans vous adorer, sans aspirer à être aimé de vous, sans que votre amour ne devienne la première condition d'existence. Vous saviez cela, comtesse Faustine. Vous aviez deviné le secret de ma passion insensée et vous m'avez souffert à vos côtés. Par compassion, parce que j'espérais vous ramener à des sentiments plus raisonnables et vous convaincre que vous n'aviez rien à espérer, rien à attendre. Je vous plaignais, monsieur Clément, je vous plains encore. Le ciel m'est témoin que votre sort m'a toujours fait pitié. Vous aviez pitié de moi, Faustine, s'écria Clément par un de ces brusques retours qui lui étaient naturels. Serait-ce possible ? Quoi ? Ajouta-t-il en se jetant aux pieds de la comtesse. J'excitais votre intérêt, votre compassion ? Oui, mais cette compassion, cet intérêt, vous preniez bientôt soin de le changer en un sentiment plus sévère. Relevez-vous, monsieur le baron Baldorf, relevez-vous, je le veux. Vraiment, vous m'étonnez. Si j'étais homme, et qu'on m'eût fait une seule fois voir et comprendre que je n'étais pas aimé, j'aurais préféré mourir, plutôt que de m'y exposer une seconde fois. Mourir ? Dit Clément en se relevant. Mourir ? Répéta-t-il avec un accent étrange. Il est dur de mourir quand on aime. Eh bien, que l'on sache supporter la vie, mais qu'on fasse preuve d'un peu de raison et de sens commun. Bravo, madame la comtesse, s'écria Clément avec une gaieté forcée. Bravissime, vous parlez de raison et de sens commun. Que n'en puis-je parler comme vous, et nous pourrions encore nous entendre. Écoutez-moi, ajouta-t-il d'un ton solennel. Écoutez-moi, car ce moment va décider de bien des choses. Je suis comme un naufragé qui va périr. si on ne lui tend la main. J'attends que vous me tendiez une main secourable. Tant qu'il me restera souffle de vie, j'attendrai. Mais il faut un mot de votre bouche pour me donner des forces et du courage. « Je ne le puis, monsieur Clément, » répondit Faustine, vivement émue. « J'en atteste Dieu qui m'écoute et qui connaît mon cœur. Vous n'avez rien à espérer, rien à attendre de moi. Ni pour le présent, ni pour l'avenir. Ni pour le présent, ni pour l'avenir. »« C'est bien, » répliqua Clément avec un flegme extraordinaire. « Il me reste une seule question à vous adresser. En quelle main avez-vous placé votre avenir ?»« Dans celle de Dieu, monsieur Clément, » répondit Faustine. « Vous m'obligez à reproduire ma question sous une autre forme. Quel est l'homme à qui vous réservez le don de votre main ?»« Vous n'avez pas le droit de m'interroger, monsieur le baron Baldorf, et je ne suis nullement disposé à répondre. »« Mais un ami qui va se séparer de vous, sans doute pour jamais. Ne voulez-vous pas donner cette marque de confiance ? Réfléchissez jusqu'à demain. »« Vous allez partir ?» s'écria Faustine, avec un mouvement de joie qu'elle ne sut pas dissimuler. « Oui, mon départ est une chose décidée. »« Quand partez-vous et où allez-vous ? Je ne sais pas encore bien où je vais, mais je vous quitte demain. » Faustine respira plus librement. Elle attendait Mario le lendemain même, et elle se réjouit en pensant qu'il ne se rencontrerait pas avec Clément Baldorf. « Êtes-vous contente ? » reprit Clément avec un triste sourire. Elle lui tendit la main sans répondre. « Depuis que nous nous connaissons, » continua Clément, « c'est la première fois que vous me tendez votre main. »« J'espère que ce ne sera pas la dernière, » répliqua Faustine avec douceur. « On ne peut prévoir l'avenir. Notre destinée est un mystère pour chacun de nous. Mais permettez-moi de revenir à la question que je vous ai faite et daignez y répondre avec bonté. Songez que c'est peut-être la dernière fois que je vous importunerai, que je pars demain, et que de longtemps nous ne nous reverrons, si jamais. Enfin, comptez sur ma discrétion et soyez sûr, bien sûr, de mon éternel silence. » En parlant ainsi, il avait dans son air et dans sa voix quelque chose de triste, de suppliant et de solennel, dont Faustine se sentit troublée, sans qu'elle en distinguât bien la cause. Incapable d'articuler un mot, elle indiqua du doigt le portrait de Mangan. Il se fit un assez long silence. Clément, s'appuyant sur le dossier d'un fauteuil, que ses deux mains serraient avec une force gigantesque, tenait ses yeux fixés sur les traits de son rival. Peu à peu, en les contemplant, sa figure prit une telle expression que Faustine en fut épouvantée. « Clément, » s'écria-t-elle, « pour l'amour de Dieu, sortez ! Laissez-moi, vous me faites peur. On dirait que vous méditez quelque noir projet. » Clément se passa la main sur le visage et s'efforça de sourire en disant « Madame la comtesse, vous ne m'avez pas deviné. Je vous quitte et reviendrai demain vous faire mes adieux. » Et il sortit. Faustine, demeurée seule et livrée à ses réflexions, ne recouvra pas sa tranquillité d'esprit. Au contraire, l'idée que Clément projetait d'attenter à la vie de Mario s'empara d'elle, et dès ce moment, il lui fut impossible de penser à autre chose. Elle quitta le pinceau, et pour se distraire, elle eut inutilement recours à la musique et à la lecture. Les mêmes images la poursuivirent tant qu'enfin, pour échapper, elle s'enfuit hors de son hôtel et se réfugia chez son amie, Madame von Eylau. Ce soir-là, il y avait réunion chez Madame von Eylau. Faustine y trouva presque tous ses amis rassemblés. Comme à son ordinaire, elle se glissa sans bruit à travers la foule, espérant qu'on ne remarquerait point sa présence et qu'elle n'aurait aucune conversation à soutenir. Le nombre même des assistants favorisait le désir qu'elle éprouvait de rester seule et inobservée. Et en effet, chacun se prêta à ce désir, car c'était un trait de son caractère bien connu. Cependant, le vieux comte de Kirchberg crut devoir violer l'espèce de consigne qui établissait autour de Faustine comme un cercle d'isolement et écartait d'elle ses meilleurs amis. Il vint s'asseoir à ses côtés. Il l'entretint de divers sujets qu'il jugeait propres à l'intéresser. Faustine se montrait attentive, mais plusieurs fois, le vieux comte put se convaincre qu'elle ne l'avait ni écouté ni compris. « Permettez-moi de vous exprimer mon étonnement, » lui dit-il enfin en souriant. « Vous aviez coutume de porter au doigt cet anneau de Salomon, au moyen duquel vous lisiez dans le secret des cœurs et saisissiez la vérité de la pensée sous le masque des paroles. Cet anneau merveilleux, vous l'avez donc perdu ce soir ?»« J'ai perdu ce qui revient au même, » répondit Faustine d'un air d'égarement. Ma liberté, ma tranquillité d'esprit et de cœur. Je suis dans cette disposition mentale où l'on envisage un ami avec la même défiance qu'un ennemi. Connaissez-vous par expérience cet état de l'âme? On sent combattre la cause involontaire de quelque malheur. On sent comme si Dieu lui-même guidait votre bras pour en frapper un coup mortel. Et l'on souffre plus que la parole humaine ne peut l'exprimer. Pardon, madame la comtesse, répliqua gaiement le comte, c'est un cauchemar que vous me dépeignez là, et non point l'état d'une personne éveillée jouissant de toutes ses facultés. Vraiment, Dieu aurait à répondre de trop de choses si nous mettions à sa charge tous les maux causés par notre légèreté, notre folie, notre manque de foi, nos passions. Cette réponse augmenta encore le trouble et la pâleur de Faustine, qui parut près de s'évanouir. Le vieux comte s'en aperçut, il lui offrit son bras et l'aida à sortir du salon. Rentrée chez elle, avec un accès de fièvre, elle parcourut d'un œil inquiet l'appartement. Était-ce Mario qu'elle espérait apercevoir? Était-ce Clément qu'elle redoutait d'y trouver? Mario, Clément, l'un devait arriver le lendemain, l'autre s'éloignait pour longtemps. Faustine ne demandait qu'une chose, c'était qu'ils ne se rencontrassent pas. Brisée par tant d'émotions, elle réussit à s'endormir. Quand elle se réveilla, la matinée était déjà avancée. Aucun nuage ne troublait la sérénité des cieux. Faustine alla se placer au balcon. La fraîcheur de l'air, la douce verdure des arbres, les chants joyeux des oiseaux, tout semblait promettre un jour heureux. La jeune femme s'abandonnait à ses impressions lorsque, pareil à un nuage qui pointe à l'horizon et annonce la tempête, un souvenir s'empara d'elle et changea tout à ses yeux. Anastase, que devenait Anastase? Qu'allait devenir Clément Waldorf? À ce moment, se fit annoncer ce dernier qui demandait à la voir sans délai. « Je le recevrai, » dit-elle. Clément entra avec un air égaré. Elle pensa qu'il pouvait être ivre, et la terreur que lui causait parfois sa présence se fit doublement sentir. Mais il s'assit tranquillement et dit « Il y aura un an le mois prochain que vous vînt à Oberwaldorf. Vous rappelez-vous tout ce que vous me dites dans cette longue et dernière promenade que nous fîmes ensemble ?»« Pas une syllabe, mon cher Clément. Je m'en doutais. Je vous rappellerai une seule phrase. Nous parlions de Georges von Frundsberg et de quelques autres qui s'étaient donné la mort. Ils s'aperçurent, dites-vous, qu'ils avaient vécu au-delà de leur heure, et c'est pourquoi ils moururent. Oui, je dis cela. Et vous parûtes les approuver. Je croyais la chose naturelle de la part de ces hommes énergiques. Moi aussi, j'ai vécu au-delà de mon heure, Faustine, dit Clément d'une voix ferme. Vous n'avez pas vécu du tout, répondit-elle du même accent. Oui, oui, j'ai vécu sur l'espérance. L'espérance dont vous parlez était une erreur. Un homme brave et résolu ne vit jamais sur une erreur. Vous dites aussi, Faustine, que les hommes se tuaient quelquefois en reconnaissant qu'ils avaient été trompés dans leur espérance. Quel plaisir avez-vous à me torturer ainsi, Clément ? Lui demanda Faustine avec tristesse. C'est toute justice, belle reine Libussa. Ne pouvez-vous souffrir un moment avec moi et pour moi, après m'avoir torturé toute une année ? Clément murmura ces mots à demi-voix, en s'emparant des deux mains de Faustine qu'il tint serrées dans sa main gauche par-dessus le bras de son fauteuil. Elle ne pouvait faire un mouvement, et elle n'essaya pas de résister, voyant bien qu'il avait pris une détermination qu'elle voudrait en vain lui faire abandonner. « Eh bien ? » lui demanda-t-elle, en rassemblant tout son courage. « Quelle torture me réservez-vous ? J'y suis préparée, vous le voyez. Comme vous êtes brave, cela va bien, une reine. » « Vous n'avez donc pas peur de moi ?»« Je ne crains qu'un homme que j'aime et j'estime, » répondit-elle froidement. Clément tira alors un pistolet de son sein, en mit le canon dans sa bouche et en fit partir la détente. La main de cette infortunée étreignit encore convulsivement la main de Faustine qui tomba elle-même inanimée. Au bruit de la détonation, les gens de la maison se précipitèrent dans la chambre en poussant des cris de terreur. Au milieu du tumulte, un homme se fraya un passage, vit Faustine pâle comme la mort, étendue à côté d'un cadavre, et il s'écria « Ah, pourquoi ne l'ai-je pas emmenée avec moi ?» C'était Mario qui arrivait, et dont la voiture venait de s'arrêter à la porte. Il y transporta Faustine et la conduisit immédiatement chez ses parents.